question qui ne pose pas trop de difficultés. Est-ce que vous pouvez, de façon synthétique, nous recontextualiser cette époque-là, particulièrement pour Fanon, sur le poids du soviétisme, stalinisme et des PC, et latéralement aussi, vous avez évoqué ça, la présence ou la parole de Sartre, qui continue à faire écho à chaque fois qu'on lit Fanon, par exemple, on nous revend du Sartre, et c'est du Sartre aussi de cette époque. C'est ça, oui. Donc là, effectivement, Sartre a été un personnage extrêmement important à cette époque. Hein. Déjà, il avait fait une préface à l'anthologie de la poésie noire d'expression française, donc c'était en 1945, si je ne me trompe, qui avait été réuni par Senghor, hein, donc un certain nombre de poètes, dont Césaire, Diop et d'autres, Damas. Et donc Sartre avait déjà fait cette préface. Il fera aussi une préface donc au Déné de la Terre, dans laquelle il reprendra entre autres cette idée justement de la manière dont les peuples colonisés peuvent disons sortir du contexte qui était le leur pendant des décennies ou sinon des siècles. Donc c'est vrai que Sartre a été un des personnages extrêmement importants pendant toute la période depuis la libération, enfin même avant, il avait aussi, mais il était plus littéraire ou philosophe, alors qu'après il est devenu un homme politique, enfin un pseudo-politique, enfin proche du PC, à un moment proche du PC, à un moment disons prenant ses distances. Mais enfin, si vous voulez, il représentait bien la gauche progressiste, hein, la gauche progressiste. Si vous voulez, il y avait ça d'un côté. Alors de l'autre côté, vous aviez plutôt les néo-catholiques avec l'Art du Esprit, avec Mounier, différentes personnes, Mongin aujourd'hui, si vous voulez, qui était un peu dans une autre approche, mais je crois que Sartre, parce qu'il faut voir une chose, c'est que quand même le premier ouvrage de Fanon a été publié dans la collection Esprit, hein, quoi, Esprit du Seuil. Hein. Donc vous voyez, il était à la fois proche de Sartre, mais en même temps proche, il était extrêmement intéressé par Kierkegaard, par un certain nombre de philosophes, disons aussi, donc Hegel et d'autres, qui avait une approche plus ontologique et non pas strictement existentialiste, tel que Sartre le mettait en avant. Alors le rapport de Fanon au Parti communiste, il est factuel dans le sens où effectivement pendant l'époque algérienne, il a rencontré des membres du PCA, du Parti communiste algérien, qui ont rejoint le combat du Front de Libération Nationale. Donc il y a eu un certain nombre de personnes, bon, il y en a qui sont très connues, Oudin et d'autres, mais si vous voulez, qui sont quelques Français d'Algérie qui ont choisi ont pensé que la voie suivie par le Front de Libération Nationale, qui a priori n'était pas confessionnelle, n'était pas musulmane, stricto sensu, donc était pour l'indépendance d'une nation ouverte à l'ensemble des composantes qui la constituaient, qu'ils soient juifs, musulmans, catholiques, européens, Fanon était intéressé par donc, un certain nombre de cas, justement, de personnalités. Il en parle dans son ouvrage Sociologie de la révolution, dans le sein de la révolution algérienne. Il y a un paragraphe, enfin même un chapitre, sur Jérôme Mino, qui était un de ses attachés dans l'hôpital psychiatrique où il exerçait, mais qui se sont engagés de ce côté-là. Voilà. Alors pour Césaire, évidemment, comme vous le savez, donc il était adhérent du Parti communiste, il a démissionné. Alors récemment, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, il y a eu un petit scandale genre People, etc., que je trouve assez peu intéressant, qui est le fait qu'une personne a retrouvé quelques rares textes de Césaire dans lesquels éventuellement il était à l'enterrement de Staline, donc Césaire, membre de la délégation française du Parti communiste, et il aurait, mais c'est simplement une version russe, hein, c'est vrai, qui est en la possession de cette personne, une version russe d'un discours que Césaire aurait fait à l'enterrement de Staline. Bon. Ok. Enfin, c'est le contexte. Premièrement, on ne sait pas si ça n'a pas été réécrit par les Russes qui tenaient cette revue. Et deuxièmement, c'est vraiment du factuel. Mais Et c'est vrai qu'il a été quand même membre du Parti communiste, mais si vous voulez, dans un de ses poèmes qu'il adresse à un de ses collègues, il dit bien foutant de Aragon, hein, vous voyez, parce que Aragon, si vous voulez, c'était une des personnalités françaises, c'est lui qui donnait la doxa du Parti communiste sur le champ littéraire. Et l'écriture de Césaire s'adaptait pas forcément au but du Parti communiste français, qui voulait une littérature très, très engagée sur la nation, sur la construction de la bataille du charbon, etc., ou des choses comme ça. Et donc Césaire écrit un Peupestre, hein, un poète cubain, et lui dit mais fais marronne, vous voyez, il lui dit marronné, vous connaissez le terme marronné, c'est les Noirs qui partaient, c'est les esclaves qui se sauvaient à l'extérieur, et donc continue de marronner comme nous avions l'habitude de faire, et foutant de Aragon, de ce que te dit Aragon, hein, voilà, donc prends ta liberté, etc. Et ça, c'était avant même qu'il ait démissionné du PC. Donc il y avait quand même une grande liberté, si vous voulez, de. Césaire, c'est vraiment une personnalité qui était au-delà, si vous voulez, de la langue de bois politique, voilà, dans ce contexte de la période des années 40 à 56, 57, puisqu'après, il fait le PPM, et le PPM, donc c'est progressiste, si vous voulez, progressiste, socialisant, hein, voilà, mais c'est plus de connexion directe au Parti communiste, et même le Parti communiste. Disons martiniquais, la fédération martiniquaise du Parti communiste français se rend compte aussi un peu de la situation et n'est pas du tout, si vous voulez, ravie par la création du PPM, parce que ça fait une concurrence très forte sur la scène martiniquaise. Donc, si vous voulez, il devient le Parti communiste martiniquais, le PCM, si vous voulez, donc avec une relative autonomie, hein, par rapport à la rue Saint-Georges, par rapport, si vous voulez, à Paris, par rapport directive qui leur vient et qui a priori leur venait directement du bureau central. Donc voilà, donc un peu si on veut pouvoir aussi comparer des mouvements actuels proches et par rapport à ce que nous évoquons il y a une cinquantaine d'années, la détermination, le poids de la solution communiste soviétique en matière d'émancipation sociale, coloniale et nationale est considérable. À l'époque, à l'époque, il est maintenant c'est complètement évaporé. Oui, aujourd'hui, elle est effectivement compte tenu de. Oui, mais quelque chose dans leur contexte. Et donc les écrits, les solutions, les prises de position et politiques ou humanistes, pour le sens-là, des auteurs importants que vous nous présentez, sont encadrés complètement par cette détermination spéciale. Tout à fait, oui, exactement. C'est ça. Donc c'est très important à chaque fois de contextualiser, hein, de remettre, disons, dans l'aspect, si vous voulez, historique, économique, symbolique du moment où ces travaux sont effectués. Hein. Sinon, on fait des erreurs ou on fait des analyses, si vous voulez, qui sont les nôtres, pas sur des sujets. Alors, on peut les faire, pourquoi pas, ça fait des hypothèses, hein, nouvelles. Parce que les dimensions, les notions et les dimensions que vous aviez soulevées, je suis justement à faire le pause, métissage, priorité transnationale, qui sont aujourd'hui d'actualité, etc., n'ont pas du tout le même climat. Si vous voulez, rapidement, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que compte tenu, disons, des situations qui prévalent avec la mondialisation dont j'ai parlé tout à l'heure, avec, disons, les vagues migratoires et si vous voulez, en particulier dans le bassin des Caraïbes. Donc là, il y a une réinterpellation d'un certain nombre d'auteurs, d'écrivains, de poètes, d'idéologues qui mettent en avant aujourd'hui ce qu'ils appellent l'éloge de la créolité, hein, l'éloge de la créolité, avec des auteurs comme Chamoiseau, Confiant et Bernabé. Hein. Donc c'est un ouvrage qui est paru dans les années 80. Et éloge de la créolité, c'est-à-dire qu'il considère que, si vous voulez, alors c'est plus la négritude, hein. Ah, vous voyez, c'est plus la négritude, hein. C'est plus le retour sur le mémorial, sur l'Afrique, la terre, disons, maternelle, disons, fondamentale, etc., avec sa richesse, avec sa dynamique, hein. C'est pas non plus considérer l'Afrique comme un passé, comme certains autorités ont pu le dire récemment. Là, c'est vraiment, si vous voulez, une Afrique qui était dynamique. Mais donc, eux, c'est la créolité, c'est-à-dire que dans l'espace caraïbe, si vous voulez, donc on a Glissant aussi, Édouard Glissant, donc avec l'archipélique, hein, si vous voulez, le fait qu'il y aurait éventuellement, si vous voulez, un dépassement des, disons, des spécificités. Alors, c'est complexe, hein, le discours est complexe, c'est glissant, il y a le tout monde, hein, si vous voulez, c'est tout monde, mais en même temps, c'est tout monde, mais c'est aussi spécifique, hein, c'est aussi singularité. Donc, on a un petit peu de difficulté, là j'en parlais avec un collègue là récemment, on a un petit peu de difficulté à situer effectivement ceux qui relèvent de l'identitaire et ceux qui relèvent, si vous voulez, du métissage, dans le sens où, à la limite, tout est dans tout. Hein, si vous voulez, le métissage peut aller jusqu'à dire que tout est dans tout. Si vous voulez, vous êtes constitué de, disons, évidemment, on est tous constitués, si vous voulez, de différents éléments qui font notre personnalité. Mais est-ce que notre personnalité n'a jamais de stabilité nécessaire pour avancer dans sa réflexion, hein. Si vous êtes à chaque fois interpellé par un nouvel événement, alors à ce moment-là, vous avez du mal, si vous voulez, à construire quelque chose qui ait une logique, hein, si vous voulez. Parce qu'à un moment, vous allez mettre un argument, puis après, un argument contraire, et puis après, vous allez encore des éléments qui vont s'opposer, etc., qui vont faire, un magma, si vous voulez, dans lequel... ils sont un peu ça, ils disent un peu, là, j'avais cité à la fin de l'ouvrage, ils sont pour, voilà, je change juste dessus, laissons vivre et vivons le rougeoiement de ce magma. Oui. Donc ils sont pour un certain magma, si vous voulez. Un magma, c'est-à-dire, c'est une diversité d'éléments qui, d'une certaine façon, voilà, la conscience non totalitaire d'une diversité préservée. Ah ouais, c'est ça, vous voyez, des contradictions. Hein. Il y a une certaine dialogue de la conscience non totalitaire d'une diversité préservée. Alors, il faut préserver la diversité sans tomber dans un essentialisme, dans une essence, si vous voulez, qui pourrait être totalitaire. Hein. C'est-à-dire, parce que, quelque part, on peut dire que, à la limite, la pensée archipélique, est-ce que, quelque part, elle va pas aller en contradiction avec, justement, des éléments, si vous voulez, sur lesquels ils insistent aussi beaucoup, hein, tous les gens qui relèvent de la créolité, du métissage, des éléments qui font partie constitutive des populations qu'ils étudient. Hein. Donc ils veulent à la fois être vraiment sur le local, sur des choses qui n'ont pas été exprimées, et en même temps, s'ils veulent, ils ne veulent pas être enfermés là-dessus. Voilà, donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un glissement en 50 années entre un propos sur le fond universaliste qui reconnaît l'université et une prépondérance aujourd'hui sur du localisme, sur des lieux Moi, je crois qu'il y a un peu cette tendance-là, si vous voulez, mais cette tendance-là, elle va être contredite d'une certaine manière par, si vous voulez, la peur, justement, des débats qu'on a eus récemment, ici même en France, hein, sur le problème de l'identité. Ouais. Identité identifiante et frustrante et bloquante, si vous voulez. Donc c'est ça. Alors, face à cette identification, fermée, évidemment, le métissage, c'est l'inverse. Hein. C'est l'inverse, c'est au contraire, c'est le fait qu'effectivement, on est tous, on appartient. C'est presque l'universalisme, à la limite, etc. C'est cet homme universel dont éventuellement parlait Fanon. Mais lui, il ne parlait pas dans ces termes-là. C'était une autre. Parce que lui, Fanon, ce qu'il pensait, c'était la fédération africaine, c'est la fédération des nations africaines. Hein. Vous voyez, il voyait la sortie de la décolonisation vers une fédération pour dépasser les égoïsmes nationaux. Vous voyez. Parce qu'il a bien vu, ce qu'on disait tout à l'heure sur les bourgeoisies nationales qui deviennent égoïstes. Hein. C'est-à-dire, moi je suis malien, toi tu es guinéen, toi tu es ivoirien, etc. Et chacun, on va s'occuper de nos richesses personnelles, plutôt à notre profit, si vous voulez, individuel, qu'au profit des populations, et encore moins, disons, quasiment en entrant en conflit avec les États qui nous entourent. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a, c'est intéressant, c'est un débat sur lequel il y a vraiment aujourd'hui difficulté à positionner disons quelque chose qui soit pertinent, qui tienne compte à la fois de l'identitaire et du multiple, hein, c'est de voir comment ceci se combine sans, si vous voulez, aujourd'hui ce serait peut-être que le multiple qui l'emporterait, contrairement à antérieurement, mais si vous voulez. Mais l'identitaire ne peut pas être nié. Hein, chacun d'entre nous sommes nous-mêmes, hein, si vous voulez. Alors d'accord, on a été construit par notre histoire personnelle, mais si vous voulez, à un certain moment X, voilà, on réalise telle ou telle chose, on fait telle ou telle chose, si vous voulez. Et on n'est pas ça et des millions de choses. Vous voyez, on a quand même, si vous voulez, il y a des dimensions qui sont, et ça c'est valable aussi pour des populations. Je voudrais bien rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que moi, ça a été quelque chose qui me rend très perplexe, la créolité. Et je croyais d'ailleurs que Césaire était un peu revenu de ça, mm-hmm. et qu'il avait justement mis en cause le fait que la créolité en arrivait à gommer la négritude. T'as raison. Mais moi je suis perplexe. Je vois bien qu'il y a une mode de la créolité aujourd'hui, et que beaucoup d'intellectuels de gauche, pour ne pas les nommer, disent « Ah, c'est super, la créolité, etc. Hein, » voilà, c'est vrai, c'est super. Mais concrètement, finalement, ça arrive à quelque chose. Et j'ai trouvé très intéressant dans la communication qu'on a eue l'autre fois de Michel d'Espagne, donc qui venait de Martinique, qui nous disait, mais finalement, la créolité, ça conduit progressivement à une part de plus en plus grande du français. Hein, il parlait de la créolité, mais juste linguistique. Et donc, concrètement, il y a quand même un conflit. Il y a du conflit. Ouais. Et donc, si on dit, cette pensée, c'est pour ça que j'aurais voulu que Glisson vienne. Maintenant, je commence à me demander s'il viendra vraiment, parce que, il n'y a pas de confirmation. Moi, je suis un peu perdu là-dedans. Alors, je comprends très bien ce que tu disais, cette identité bloquante, fermée, etc. Elle existe, hein, c'est sûr. Mais la créolité, est-ce que ça existe, à la limite? Est-ce que oui, ça... Moi, je suis assez... Alors, par rapport à ce que tu disais vis-à-vis de Césaire, Césaire, dans le dernier ouvrage qu'il a publié, qui est des entretiens avec Françoise Vergès, il dit « Nègre je suis, nègre je resterai ».« Nègre je suis, nègre je resterai », qu'il a publié en 2005, vous voyez, entretien avec Françoise Vergès. Donc, nègre je suis, nègre je resterai. Donc, bien, c'est, il a expliqué à Miami en 87 que la négritude, c'est pas fermé sur elle-même en plus, c'est une dynamique. Hein. Et la négritude, elle s'attaque en particulier au racisme, hein, au racisme qui est fait aux populations noires. Hein. Donc, c'est une négritude, c'est pas la négritude antérieure qu'il avait déjà dénoncée dans le cahier d'un retour au pays natal. Hein. Il avait dit il faut que la vieille négritude disparaisse. Hein. Mais la négritude, c'est donc un auteur, si vous voulez, qui a vécu une vie aussi intense que celle de Césaire, si vous voulez, qui a écrit d'ouvrages sur le discours sur le colonialisme, qui a fait des milliers de choses, etc., qui a écrit des pièces, hein, de son Congo, qui a écrit des ouvrages tous sous sa l'ouverture, je n'ai pas cité tous les ouvrages de Césaire, hein, mais il y en a énormément. Hein. Donc, qui dit à la fin de sa vie, et en toute conscience, il dit « Nègre, je suis, nègre, je resterai », donc ça renvoie à ce que tu disais sur le problème d'identité, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit « Métis, je suis, métis, je resterai », il dit « Nègre, je suis, nègre, je resterai ». Alors, il dit en même temps, dans cet entretien, il dit que lui, d'une certaine façon, il a toujours été indépendantiste. Il pense que la Martinique, c'est un État qui devrait être indépendant, mais il rajoute que, compte tenu que les Martiniquais ne semblent pas, le souhaiter, il ne veut pas, aller plus vite que les autres, hein, si vous voulez. Donc, il dit, moi, je suis autonomiste. Il dit, je suis autonomiste. Hein. Je suis indépendantiste fondamentalement, mais comme je suis aussi quelqu'un qui réfléchit au niveau du politique, de l'économie, sociétale, actuellement, dans la situation présente, c'est l'autonomie qui me semble le plus effective. Mais il parle aussi au moment où Mitterrand était venu après son élection, il parlait de fédération autonome, etc. Oui. Donc voilà, alors ça c'est intéressant, parce que d'une certaine façon, ça nous renvoie aux élections qui ont eu lieu récemment. Hein. Vous vous rappelez l'élection de janvier, janvier, hein. Janvier où on a demandé aux Martiniquais, Guyanais, au département d'Outre-mer, est-ce que vous souhaitez, article 73-74, est-ce que vous souhaitez une autonomie élargie ou est-ce que vous souhaitez en rester à la situation précédente? Et contrairement justement aux attentes des éléments les plus avancés indépendantistes, entre guillemets, le MIM, etc., et le mouvement indépendantiste martiniquais et d'autres, et ben non, c'est le non qui est là. Si vous voulez, c'est que les gens ont dit non, on ne veut pas aller au-delà de la situation telle qu'elle prévaut aujourd'hui. On en reste à la situation précédente. C'est-à-dire que, alors les raisons sont multiples, hein, évidemment. On est dans la crise, hein, on est dans la crise économique. Les gens se sont dit, c'est très bien, si on va soi-disant vers une autonomie élargie, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux acquis que nous avons déjà, hein. Est-ce que l'État ne va pas en profiter pour se défiler, pour dire, maintenant vous allez faire un développement endogène, vous allez être capable de, avec vos richesses, de répondre aux attentes des populations. Et c'est vrai que la crise économique actuelle ne se prête pas tellement, on ne voit pas trop, si vous voulez, à la Martinique ou en Guyane ou ailleurs, comment, vu la situation économique, vu aussi le fait que les béquets quand même tiennent toujours les rênes de l'économie, comment la population profiterait, effectivement. Et je crois que ceux qui étaient d'accord pour cette autonomie élargie n'ont pas eu forcément une campagne suffisamment convaincante pour amener l'ensemble de la population sur l'opposition. Donc c'est ce qui fait que ce statut, donc, il reste comme précédemment, sauf que maintenant, après le deuxième tour de vote, c'était pour l'Assemblée unique. Donc il y aura maintenant des assemblées uniques au lieu des assemblées conseillers régionaux. Il y a aussi le fait qu'une bonne partie de la population, d'après ce que j'ai entendu, craignait d'être livrée pieds et poings liés aux béquilles. Et donc, ils disaient, bah oui, on n'aura même plus de protection contre les béquilles. Très juste. Peut-être qu'eux-mêmes aimeraient bien, mais ils se disent, bah oui, mais qui est-ce qui va gagner? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les décolonisations. Ouais. C'est les bourgeois qui. Et donc, nous, on va se retrouver pieds et poings liés, et même l'État n'interviendra plus. Voilà. Donc, on va se retrouver, ça va être pire qu'avant. Quoi. Alors, peut-être qu'il y a souvent ça, on trouve ça chez les gens. On a vu ça avec le Québec et tout ça. Les gens, ils disent, ah oh, ouais. Et puis, au dernier moment, on va peut-être garder ce qu'on a et puis on verra bien. C'est vrai que la crise économique n'arrange surtout. La crise économique a vraiment plombé un peu aussi le débat, je crois, qu'elle a vraiment fait en sorte que même des gens comme Christiane Taubira en Guyane, qui était une personnalité quand même importante sur la scène, etc., n'a pas réussi à convaincre non plus les Guyanais, etc. Il y a eu une peur, alors qui a été instrumentalisée d'une certaine façon. Mais en même temps, je me demande si le pouvoir central, enfin l'équipe actuelle, là, si vous voulez, n'a pas joué complexe et tout ça. On ne sait pas exactement, vous voyez, ce qui était derrière ces propositions-là. Hein, parce qu'en plus, Mais ils jouent sur du velours avec cette histoire-là. Oui. Dans les deux cas, ça les arrange. Oui, c'est ça, je crois. C'est ça. Ils jouaient un peu sur les deux tableaux. C'est-à-dire, soit ils votaient pour la autonomie élargie, mais alors à ce moment-là, bon. Oui, mais quand même, il faut se méfier. Je sais pas, je suis évidemment les régionales, tout ça, mais si vous voulez, le fait qu'à ce moment-là, l'État, il a tendance à se retirer de plus en plus. Il dit, moi, c'est conseillers régionaux, débrouillez-vous, les impôts. Et puis en même temps, il retire une part des impôts que touchaient par l'implantation d'entreprises, etc. Donc ça, c'est valable partout. Ça valable aussi la Martinique ou ailleurs. Donc là, en plus, il y a quand même peu d'industrie. Et le peu d'industrie, comme vous disiez, c'est plutôt tenu par la bourgeoisie, historique, des béquets, etc. Donc c'est vrai que les gens, ils ne sont pas été convaincus. Hein. Pourtant, il y a Marie-Jeanne, donc, qui est le leader du MIM, du mouvement indépendant martiniquais. Il y a Claude Lise, etc., ex-césarien, etc. Il y a quand même des grandes personnes, des partenaires importants qui s'étaient engagés très fort dans cette. Ils disaient vraiment, confiant, Raphaël Confiant. Alors je ne sais pas, vous avez lu les propos de Raphaël Confiant, non, je sais pas. Non, vous êtes au courant? Oui, il y avait eu un article dans le Monde, je crois. Oui, c'est ça, oui, il a traité les Martiniquais des pires termes, en disant vraiment, comme ce que disait De Gaulle sur les Français en 68. Hein. Pas que les Martiniquais aient pu ne pas demander justement cette autonomie élargie. Et De Mota n'était pas très. Pardon ? De Mota et d'autres. Oui, alors oui, la question intéressante. De Mota et le mouvement de l'année dernière. Alors eux, ils sont restés quand même, ils sont restés un peu à l'écart. Hein, c'est pour la raison que vous disiez. Ils se méfiaient de. Ils ont voulu mener une lutte syndicale, d'abord syndicale, sur les conditions de vie, conditions d'existence, de logement, etc. Ils n'ont pas voulu s'en lancer trop dans l'arène politique parce qu'ils auraient pu soutenir. Moi, d'après ce que j'ai lu, je n'ai pas vu de texte dans lequel ils soutenaient les conditions de. Moi, je voulais revenir sur l'engagement politique contre la colonisation et particulièrement les propos de Franz Fanon. Lorsqu'il a dénoncé la conception en tant que psychiatre à Bida, il a dénoncé l'idée selon laquelle le colonisé est biologiquement inférieur au colonisateur. Donc cet argument-là qu'il a essayé de mettre en évidence, enfin a essayé de démontrer pour justement montrer qu'à l'époque, la notion de race qui constituait en quelque sorte le fond de commerce du nazisme, elle était bel et bien présente et elle était encouragée par la politique essayé aussi de montrer que Camus, à sa manière, a essayé de remettre en question justement les idées reçues pour montrer que, en fait, ce qu'on essayait d'inculquer socialement aux gens, c'est l'idée d'infériorité, en quelque sorte, de l'arabe, voilà, notamment dans l'étranger, qui travaille très nouvelle. Oui, tout à fait, oui. Vous avez des informations à nous ajouter Oui, non, non, mais moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut voir que la médecine coloniale, hein, si vous voulez, se basait effectivement sur le racisme, sur la division entre races et des races inférieures aux races supérieures. Et évidemment, le blanc, l'européen, était la race supérieure. Et en Algérie, en particulier, vous avez une école d'Alger, hein, on appelait une école d'Alger, si vous voulez, des médecins, etc. Qui. Pardon ? Oui, qui était anthropologue. Oui, ils étaient anthropologues aussi, et qui, si vous voulez, défendaient l'idée qu'effectivement, les Algériens relevaient d'une culture inférieure à la culture européenne, et que leur éventuellement aussi leur coefficient intellectuel, leur capacité cognitive n'était pas à la hauteur. Alors il faut s'appeler aussi un auteur dont Fanon parlait, et c'est aussi c'est Mannoni, la psychologie du colonialisme. Je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage, Octave Mannoni, qui a écrit un ouvrage qui a été important à l'époque. Hein. C'est donc il a dû l'écrire dans les années 40, la fin des années 40. C'est quoi le titre, excusez-moi, Octave Mannoni. Oui. Octave Mannoni, M-A-2-N-O-N-I. Psychologie du colonialisme. Psychologie du colonialisme. Et Mannoni, il a été, entre autres, enseignant à Fort-de-France. Mais après, il a travaillé à Madagascar. Il a été exercé à Madagascar. C'est un psychologue, médecin psychologue. Et dans son ouvrage Psychologie du colonialisme, il reprend un peu cette idée que vous développez. C'est-à-dire que si vous voulez, les Malgaches, en fait, lui, il est plus basé sur le côté anthropologique, justement, plus sur l'aspect anthropologique, parce que dans le sens, il dit que les Malgaches ont un sentiment de dépendance. Vous voyez, ils ont besoin d'un rapport de dépendance à une autorité. Alors, soit c'est les ancêtres, soit c'est les morts, soit etc. Et dans le cadre du colonialisme, si vous voulez, les colons représentent justement, c'est un transfert, si vous voulez, décolonisé vers le colon en tant qu'autorité, si vous voulez, dont ils sont dépendants. Et ce qui expliquerait pourquoi, alors parfois il y a des révoltes sanglantes à Madagascar, mais a priori, les Malgaches sont plutôt, pas satisfaits, mais enfin, se font à la situation coloniale parce que, si vous voulez, il y a un rapport qui fait que, comme le fils vis-à-vis du père, etc., et donc, si vous voulez, il y a un phénomène de dépendance. Et Aimé Césaire, donc, ne se gêne pas pour critiquer vertement Mannoni. Et Frantz Fanon aussi, dans son ouvrage, pour moi, parce que j'en en particulier. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Hein, parce que alors après, Mannoni a écrit un ouvrage beaucoup plus tard, après, où il est revenu un peu sur ses idées antérieures, en essayant il a modéré ses propos, hein, vous voyez. Mais dans les années... Et là, ça correspondait assez, justement, à l'idéologie coloniale de l'époque, à savoir, effectivement, soit ils sont dépendants, soit ils sont inférieurement, cognitivement peu capables. Enfin, et de toute façon, ceux des inférieurs. J'ai dans la bibliothèque un dictionnaire de psychiatrie des années 60, rédigé entre autres par le docteur Bardena, et qui a une entrée psychologie de l'indigène nord-africain, et qui expose l'indolence native des indigènes nord-africains. 1960 et sur deux pages. Tu pourrais m'envoyer ça? Ou bien les références au moins. Oui, quand je reviens à ce que tu voulais dire, Juliette, c'est l'indolence, pas des indigènes, parce qu'après il y a tout de suite une division qui est faite, l'indolence des Arabes et le sens démocratique des Berbères en général. C'est, ah oui, et la France a fonctionné, toute l'idéologie coloniale a fonctionné pour que le mot berbère égale Kabyle. Les Kabyles sont tous des Berbères. Les Berbères ne sont pas tous des Kabyles, c'est un groupe berbère parmi les Berbères. Et j'étais très étonné, en feuilletant simplement votre... Donc je loue votre démarche de socio-anthropologie, et j'étais très étonné de voir que, en feuilletant simplement, chaque fois, vous mettez Kabyle arabe à travers le FLN, Kabyle arabe, ceci, cela, sans note, en expliquant que c'était des catégories qui, à l'époque, voulaient dire ceci, cela, en anthropologue, et que les Kabyles sont des Berbères parmi les Berbères. et que les Arabes sont des Berbères arabophones. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail, tout le Maghreb est berbère, et avec donc une arabophonie, et non pas, il n'y a pas eu de population arabe qui sont venues, il y en a eu très peu, donc j'ai travaillé là-dessus sur les pouvoirs et les déplacements de population arabe. Et donc j'étais très étonné en travaillant sur ce problème d'identité, en sachant à quel point aujourd'hui s'est mis en exergue au niveau des luttes régionales, pour qu'il n'y ait pas des luttes politiques, mais qu'on retombe sur des luttes ethniques ou des luttes ethnico-religieuses. Donc j'étais très étonné, votre démarche était extrêmement positive, que vous n'ayez pas mis en disant c'est des caractéristiques de l'époque, et il faut bien entendre anthropologiquement, et c'est pour ça que l'anthropologie a été interdite en Algérie, justement, en disant, la colonisation française a fonctionné en créant, en substantifiant donc un arabe, un berbère, dans le berbère est devenu kabyle, l'immigration est devenue une immigration kabyle et non pas maghrébine ou algérienne, etc. Et que cette manipulation, elle fonctionne à fond, aujourd'hui avec tous les partis d'extrême droite, et avec le père Sarkozy, pareil. Oui. Donc, véritablement, dans votre démarche qui est très louable, je trouve que c'était formidable qu'il y ait une note, Mais c'est des catégories d'époque, et que c'est des catégories qui politiquement fonctionnent avec une puissance extraordinaire. Voilà, si vous voulez, donc là, effectivement, ça, on reste dans le contexte justement de la lutte du Front de Libération Nationale, qui essayait de, justement, on reprend les textes du Front de Libération Nationale, qui essayait justement d'associer toute la population algérienne dans une entité qui est fausse, hein, si vous voulez, mais dans une entité éventuelle qui serait le peuple algérien. Donc, si vous voulez, ils essayent au maximum de ne pas distinguer justement ce que vous dites. Hein, ils essayent de ne pas distinguer justement des éléments qui pourraient justement se contredire et qui se contredisent dans la réalité aussi. Parce qu'effectivement, en Kabylie, si vous voulez, il y a eu des luttes, parfois, disons, qui n'étaient pas celles des Oranais ou celles des Algérois ou de celles, disons, d'autres régions. Donc, si vous voulez, mais le gros problème, c'est du Front de Libération Nationale, c'est de constituer une identité nationale. Donc, si vous voulez, d'évacuer un peu ces problèmes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il aurait fallu plus de préciser. Et je continue là-dessus, quand vous étiez étonné, enfin, vous l'avez dit en disant, Fanon n'était pas musulman, ceci, n'était pas cela. Or, justement, par rapport à la position coloniale qui a créé le kabyle, le berbère, l'arabe, hein, qui n'existe pas exactement comme les Tutsis, les Hutus, qui n'existe pas en soi, eh bien, le FLN, tout ce qu'on peut en penser aujourd'hui, peu importe, mais les textes fondateurs, justement, font que on est Fanon d'abord, c'est-à-dire qu'on a un engagement politique, et on est... Quelle que soit son idéologie, c'est en dehors des religions, en dehors des ethnies, en dehors des sexes et en dehors des partis. Ça, c'est la charte de Tripoli. Et en particulier, donc, au niveau des deux religions, on n'entend absolument pas parler de l'islam au niveau de la charte de Tripoli. Et par conséquent, donc, c'est le contre-pied. Et on était là-dedans pour un engagement politique, pour une nation. Et il y avait des éléments extrêmement sévères. C'est-à-dire qu'on pouvait être condamné à mort si... on parlait en berbère, ou si on était sexiste, ou si on était contre les communistes, par exemple, qui sont fondus dans le FLN, etc. C'est comme ça que Fanon, donc c'est pas étonnant. Il ne pouvait que être accepté, il représentait justement l'idéal du tiers-monde à l'époque, etc. Tout à fait. Et malheureusement, ce qui s'est passé ultérieurement, c'est que Fanon, même en Algérie, peu à peu, si vous voulez, ça... La reconnaissance qu'on lui portait au début, hein, à l'époque dont vous parlez, eh ben, c'est un peu délité. Hein, il y a des réalités sociales, mais là, si vous utilisez des catégories colonialistes et que vous disiez à côté, Fanon, bien que non musulman, non ceci, non cela, a été donc une tête de proue du FLN, ce n'est pas étonnant par rapport à l'idéal qui était porté, qui a été déçu après, mais on reste dans le contexte par l'idéal porté. Tout à fait, oui. Monsieur, vous avez... C'était juste une précision par rapport à l'anthropologie, les catégories. Moi, je me réfère souvent c'est au livre L'Algérie des anthropologues de Marin Lacan. Et en fait, on voit bien que ce sont des militaires qui le font d'abord. Et eux, ils disent, là, on a plein de gens. Comment on fait avec cela? C'est très pratique. En fait, ils essaient de trouver après des justifications à tout ce qu'ils disent. Mais en fait, c'est très pratique. Ça fait partie du travail militaire de connaître celui qu'on a en face de soi, de voir les lignes de fracture. Et donc, en fait, et c'est ça qui va conditionner. Je ne pense pas que eux-mêmes, ces militaires qui étaient au contact, étaient eux-mêmes, peut-être pas bon pour l'époque, mais racistes. Mais par contre, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est se dire avec cette population qui vit là, Ben, vaut mieux agir comme ça. Par contre, avec cela, il va peut-être falloir faire autrement. Et donc, après, on a, mais dans le cadre où eux, ils étaient. Et c'est qu'après, on a dit, oui, alors, ces gens-là, ils sont comme ça, et ces gens-là, ils sont comme ça. Et puis, voilà, on a figé des catégories qui, peut-être, pour ces militaires, ne l'étaient pas tant que ça. Mmh. Puisque eux, ben, ils étaient au contact de la réalité. Ils devaient bien, eux, se douter que ce n'était pas si... Ils essayaient de dessiner des lignes de fracture. Voilà, ça renvoie à tout processus de la colonisation. Alors, si on parle aujourd'hui du Rwanda, Tutsi, Hutu, etc., est-ce que c'est les Belges, qui c'est qui a déterminé justement ces catégories, les a essentialisées avec toutes les horreurs que ça a entraînées, etc. Donc, et toutes les frontières, le Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, pourquoi ça passera à tel endroit, on sait. Qu'il y ait des peuls à la fois au Mali, ou au Niger, ou ça peu importe, on s'en fiche, l'administration a décrété que voilà, ça va passer comme ça, c'est pratique, un fleuve ou un truc, on repère des éléments. Donc ça, ça fait partie justement de ce qui gêne justement une fédération africaine. L'UOA, si vous voulez, l'Union africaine, etc., elle a beaucoup de mal parce qu'elle est confrontée à ses frontières antérieures qui ont des réalités qui ont été événementielles. Qui ont été à certains moments, soit aux conférences de Berlin, soit à telle conférence, on a décrété que les frontières passeront à tel endroit et non pas à tel autre endroit. Et combien même les populations les populations à la fois elles migrent, mais en même temps elles sont aussi installées des deux côtés de la frontière. Donc ça, c'est un élément extrêmement... Excusez-moi, j'insiste un peu plus, parce que je suis très heureux de votre travail de socio-anthropologue, et j'aimerais vraiment qu'il y ait, s'il y a une réédition de votre... Parce que ça va être lu, c'est quelque chose qui va être un apport important au niveau de nos étudiants, mais que s'il y a une réédition, qu'il puisse y avoir une note en expliquant que c'est des catégories qui ont été fabriquées, et que vous ne reprenez pas, puisque vous faites un travail justement extrêmement porteur, que vous ne faites pas partie de cette conception idéologique de ces catégories-là. Et qu'est-ce que vous voulez dire, ces catégories, au moins en note? Voilà. C'est dommage, ça entache votre travail sans que vous ayez un acte réel, politique et universitaire surtout, à faire, alors que toute votre démarche est absolument au contraire de ces catégories-là. Il y a Germaine Tillion, là, évidemment, vous connaissez les ouvrages de Germaine Tillion. Oui, voilà, donc Tillion sur les tribus Ayusha, etc. Donc, j'en parle un peu de Tillion et tout ça, donc... Mais si vous voulez, là, j'étais resté plus dans le contexte, qui était le contexte, c'est de la lecture fanonienne, qui s'inscrivait dans un processus, disons, de construction d'une nation. Hein, construction d'une nation en oubliant, si vous voulez, en mettant à côté, justement, les particularismes qui la constituaient. Parce que personne ne voulait, à l'époque, personne ne voulait, et même à la limite, si vous voulez, bon, alors, évidemment, c'était le problème, il y avait des minorités juives, il y avait quand même les Mozabites, il y avait un certain nombre d'éléments, si vous voulez, qui devaient se fondre, qui voulaient que ça devait se fondre. Hein, ça devait se fondre, donc il ne fallait pas, justement, comme vous disiez, que ça devienne, si vous voulez, un élément qui va, et qui le fera ultérieurement. Mais à l'époque, il ne fallait absolument pas que ça soit quelque chose qui puisse, disons, freiner le processus difficile. Hein. Le processus, c'est une guerre. Hein. C'est une guerre. Oui, une guerre, disons, avec des éléments extrêmement durs. Hein. J'aurais une petite grappe de questions à te poser. Questions, largement des questions intéressées par rapport à ma propre réflexion. D'abord, au tout début, donc, tu nous as rappelé ce que c'était que la socio-anthropologie, et tu disais que désormais, hein, dans la situation dans laquelle on est, de mondialisation, d'immigration, etc., désormais, il y a une nécessité de croisement. Mais je me demandais si le désormais était vraiment justifié. Ou désormais, j'aurais dit, moi, désormais, on prend conscience. Parce que je crois que ça a toujours... Il y a toujours eu... Il y a toujours eu, mais moins, quand même. Hein. Non, moi, je fais attention, hein, quand même. C'est bien évidemment les disciplines. Hein. Vous connaissez vous-même, vous vivez les disciplines. Hein. Vous êtes à l'université. Moi, j'étais à l'université, Nanterre ou d'autres. Hein. Bon, vous savez ce que c'est les champs disciplinaires. Hein. Oui, oui, oui. Alors, on a beau tous dire, mais on est là, on est des sociologues, mais de toute façon, on est prêt à accueillir des personnes qui travaillent un peu aux marges de notre discipline. On a beau dire, on est des anthropologues, on a beau accepter plus ou moins aux marges quelques chercheurs qui pourraient nous intéresser. Mais il y a des sanctions très fortes, hein, savoir à la fois au niveau de la définition des postes, au niveau des définitions des enseignements, où effectivement les, disons, les canoniques, hein, reviennent très fort, et effectivement, il s'agit, si vous voulez, les disciplines, malgré tous les grands discours qu'on entend sur l'interdisciplinarité, en général, ces discours, ils s'oublient au moment quand on en vient au pratique. En total accord avec ce que tu dis, j'ai moi-même expérimenté ça, donc je suis tout à fait d'accord. Sur le plan institutionnel, sur le plan du pouvoir, en fait, hein, c'est clair que, voilà, il faut bien être dans les cases. Faut être, voilà. Mais sur le plan intellectuel, je pense notamment à la Bretagne. L'approche de la Bretagne a été faite notamment par... 19e, 20e, par des gens qui étaient en fait des ethnologues ou bien éventuellement des administrateurs qui faisaient de l'observation, etc. Mais c'est vraiment une démarche très anthropologique, hein, qui a été faite des Bretons ruraux. Et en même temps, il y a aussi une Bretagne des villes, une Bretagne qui est en plein dans la modernité, enfin, modernité et seconde modernité. Donc il y a ce croisement, il a déjà existé, je pense. Deuxième question que je voulais te poser. Ah oui, tu disais, c'est rare qu'on trouve dans les travaux sociologiques l'expression de l'aspect de la vie, une expression existentielle. Mais là aussi, ça renvoie à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Je pense que ça n'est pas très bien vu en sociologie de faire ça. Et que si Bourdieu peut le faire, bon, c'est parce que c'est Bourdieu, vie, et puis il le fait à la fin de sa vie. Hein. Parce que c'est lui qui t'appelle un cancer, c'est donc je pense qu'aujourd'hui encore, ce serait difficile. Donc ça, c'était la deuxième question. Troisième question que je vais te poser. Mais j'ai profité qu'il y avait un petit blanc, hein, sinon je me serais... Est-ce que tu aurais des éléments donc sur la présence des marins pendant la guerre? Parce que dans les marins, il y a des Bretons aussi. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des trucs là-dessus? Est-ce qu'on a des... Parce c'est une bonne question. Il y a un bouquin qui est sorti. Ah, il y a beaucoup sur, sur les marins bretons, les marins en général en Martinique. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus parce que j'ai entendu une émission de 2000 ans d'histoire où il y avait le gars qui était invité pour parler justement de cette histoire-là. Si tu peux me retrouver ça m'intéresse de voir comment est-ce qu'ils se sont comportés. Je pense qu'ils se sont comportés, oui, c'est ça, en beau colonisateur français, etc. Il y a une répression énorme, il y a eu des. Il y a eu un soulèvement, Je pense à ça par rapport au comportement des Irlandais. Hein, les Irlandais, quand ils sont allés avec les Britanniques, ils ont été des bons colonisateurs, etc. Ils ont complètement basculé dans leur comportement. Ils étaient révoltés contre les Britanniques quand ça se passait chez eux. Quand ils allaient ailleurs... Et il y a même l'hypothèse que les Irlandais seraient devenus des citoyens américains, seraient devenus des citoyens américains à partir du moment où ils seraient vraiment devenus racistes eux-mêmes et où ils auraient appliqué aux Noirs ce qui avait été appliqué à eux par les Britanniques. Bon, je continue avec mes questions. Ouais, tu as beaucoup parlé de la psychiatrie. Qu'est-ce que tu penses de l'ethnopsychiatrie? Est-ce que pour toi c'est un truc sans fondement ou est-ce qu'il peut y avoir du sérieux? Non, à mon avis, je crois que ça reprend un peu les travaux de Toscales là sur le. Aussi avait essayé de mettre en place Fanon dans l'hôpital psychiatrique de Blida, c'est-à-dire qu'il essayait justement contrairement au docteur européen classique, si vous voulez, il essayait de tenir compte de la culture des personnes, des patients auxquels il était confronté. Et là, il explique, il y a eu plusieurs articles qui ont paru dans des revues, la psychiatrie médicale, etc. Donc, c'est en note là. Donc, si vous voulez. Donc le fait qu'il a essayé, alors avec les femmes ça a assez bien marché, donc parce qu'il a réussi à regrouper les femmes algériennes et à essayer de leur parler des ateliers de couture, de chant, etc. Et elles se sont assez impliquées dans une psychiatrie collective qui faisait qu'elles pouvaient dépasser les problèmes personnels qu'elles avaient dans quelque chose qui était une thérapeutique collective. Alors que les hommes, si vous voulez, les hommes ont refusé parce qu'effectivement les hommes, si vous voulez, l'esprit collectif et l'esprit d'implication dans le cadre justement qui était le cadre de l'hôpital européen, qui était dans le cadre de l'hôpital européen sous l'égide d'un médecin qui avait beau être noir, etc., mais enfin qui s'inscrivait dans cette structure, était si vous voulez, n'était pas pour eux acceptable de la même façon. Donc il a vraiment essayé avec les assistants qu'il avait de mettre en place quelque chose qui pourrait se rapprocher de l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire de tenir compte de l'aspect ethnique, enfin, des valeurs particulières des patients, et aussi en même temps de pouvoir évidemment l'associer avec des traitements qui pourraient résoudre les difficultés qui sont les leurs. Donc, moi je crois qu'aujourd'hui, bah oui, il y a des travaux, et moi je n'ai pas très suivi récemment les travaux les plus récents, il y a Tobias, enfin, Mais c'est très critiqué quand même en même temps. Oui, il est critiqué, mais je ne sais pas si c'est toujours à bon escient. Est-ce que ce n'est pas, si vous voulez, l'institution médicale aussi, la médecine médicale est très réservée vis-à-vis de tout un tas de médecines, l'homéopathie ou machin. Pourquoi tu poses cette question-là? Pourquoi je pose cette question-là? Parce que il y a eu des efforts qui ont été faits par quelques ethnopsychiatres en Bretagne et qui ont été, voilà, il y a eu Carré, il y en a eu d'autres, Domer, etc. Et donc ils ont été vraiment salués du mouvement breton, du mouvement engagé. Et puis les sciences sociales qui travaillent sur la Bretagne les ont alors rejetés complètement, quoi. Et bon, moi j'ai lu ça il y a quand même quelques années et je savais pas trop quoi en penser si Et là, je vois la même chose, donc avec Toby Nathan, il est très violemment critiqué en même temps. Donc, je me dis, est-ce qu'ils sont critiqués parce que, justement, ils sont aux marges de l'institution, aux marges des disciplines, etc. Ou est-ce qu'ils sont critiqués parce que, dans le fond, c'est pas sérieux? Toi, tu dirais plutôt... Moi, je dirais plutôt parce qu'ils sont en marge de l'institution. Alors, je ne sais pas si leurs résultats sont forcément complètement convaincants, mais moi, à mon avis, c'est plutôt l'aspect marge des institutions qui doit l'emporter. D'accord. C'est quand même... Et puis, en plus... Le corps médical, c'est un corps assez cadré, très cadré, aussi dans ses spécialités. Excuse-moi, il peut y avoir une critique aussi, on n'est pas ethnologue, anthropologue, il n'existe pas la culture maghrébine, la culture algérienne. Non, bien sûr. Et des populations qui sont, si je parle de migrants de banlieue, c'est des classes sociales, c'est-à-dire c'est prolétaires sur prolétaires qui parlent la langue ou ne parlent pas la langue. Et par conséquent, c'est aussi supposer que ces populations-là qui sont là aujourd'hui ne se sont pas acculturées en venant en France, comme vous le présentez tout à l'heure, en disant maintenant ils sont dans un pays, une société complexe, donc on est obligé de faire de la socio-anthropologie à l'intérieur de la France parce que ce sont des populations qui relevaient autrefois de l'anthropologie. Non, ces populations relevaient aussi de la sociologie, puisque ces populations sont un peuple, une société, et non pas des ethnies comme la colonisation a voulu nous le faire croire. Et qu'il y avait déjà de la diversité, il y a déjà donc une classe sociale, une transformation sociale, depuis la fin du 19e, depuis le début du 19e, qu'est-ce que je raconte, bien avant la colonisation française, et que ces populations sont acculturées. Je donne un exemple très simple. Donc c'est une position par rapport à des classes sociales, des prolétaires, sous-prolétaires, démunis de tous les capitaux, et qui n'ont même pas la langue pour pouvoir s'exprimer. Il y a un magnifique article de Franchier Lesboettes, par exemple, sur les rapports à la langue en Bretagne, et qui est similaire à ces problèmes de rapport à la langue dans des sociétés où on a cassé la langue d'origine et la langue donc, du sentiment, la langue d'expression, et où les parents se sont castrés pour que leurs enfants soient véritablement intégrés dans l'école française, d'apprendre le français à ces enfants-là, et par conséquent de leur donner un sens du monde où tout le sentimental, tout le senti, tous les rapports aux cinq sens ne sont pas exprimés en breton et sont exprimés. On fait un effort d'exprimer en français, ce qui fait que les parents se sont castrés et donc n'ont pas donné à l'enfant, n'ont donné une langue littéraire, c'est-à-dire une langue, j'allais dire, en étant très violente de machine, n'ont pas encore humain, puisqu'ils n'auront pas donné le monde, le ressenti, à travers cette langue-là. Donc là, l'ethnopsychiatrie s'adresse à des personnes qui n'ont pas pu donner leur monde à travers leur langue et qui expriment ce désarroi. Et qui ne possèdent pas non plus le français pour pouvoir dire comment ils n'ont pas pu donner, ni tous les autres capitaux. Donc, c'est des effondrements psychologiques. Par conséquent, l'ethnopsychiatrie peut être extrêmement dangereuse si on ne dit pas qu'il n'y a pas la culture, mais que c'est des personnes qui sont dans une dynamique de domination, de rapport de domination. Mais si je comprends bien ce que tu dis, elle est dangereuse, mais ça peut quand même être intéressant dans Absolument. La mesure. Hein, c'est ça. C'est un oui, mais ou un non, mais. La mesure où on se dit que c'est des personnes qui ont déjà été acculturées avant de devenir, d'être migrants prolétaires. Il y a une acculturation de leurs parents, de leurs grands-parents, etc., depuis au moins deux siècles en Algérie. Quand je suis ici, au début, les étudiants pensaient véritablement que je me déguisais. Je dis, mais attendez, il y a des milliers de femmes qui sont exactement comme moi en Algérie, mais vous ne me reconnaissez pas parce que vous avez un regard de classe sociale, vous reconnaissez le migrant prolétaire ou la paysanne pauvre éventuellement algérienne, et vous ne reconnaissez pas la petite bourgeoise, la bourgeoise ou les classes moyennes, qui sont complètement acculturées et qui n'ont pas une culture ou une réaction à une culture particulière ou à des valeurs culturelles particulières. Mmh. Donc, voilà oui, Jean-François, je me disais, tu as peut-être une réaction, parce que toi, tu es dans le métier. Et... Non, simplement une réflexion, peut-être, enfin, de mon point de vue, je trouve que l'approche psychiatrique donne un éclairage quand même sur le vécu individuel. Et certains symptômes chez les personnes traduisent aussi l'état social, les formes de domination, les conflits, les tensions qui existent dans la société. Et c'est très révélateur, en fait, pour ce qui a été fait sur la société, sur la Bretagne. C'est dans ce sens-là que enfin moi je le perçois. Ça, ça, c'est une forme de traduction du malaise qui est perçue chez les colonisés ou les dominés, entre guillemets. Mais je n'ai pas cette vision un petit peu colonialiste qui dirait effectivement voilà la pathologie qui est peut-être. J'ai plus le nom de l'auteur qui en fait. Établit qu'il y a bien un lien entre les pathologies mentales et les formes de société. C'est-à-dire que les pathologies mentales qui existaient dans la société rurale ne sont vraiment plus les mêmes que celles qu'on trouve aujourd'hui. Et celles qu'on trouve aujourd'hui sont liées aussi à l'état social d'aujourd'hui, le monde tel que nous le connaissons. Donc c'est un côté intéressant quand même qui fait que, surtout sur le plan d'anthropologie, je trouve que... chez les primitifs, quand on étudie les primitifs, je pense qu'on ne fait pas cette distinction entre le psychologique et le social. L'ensemble est en fait pris en compte de façon plus globale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On le fait social total, de mots, ça. Donc, effectivement, tout effectivement, est réussi. On essaye de prendre l'ensemble des variables présentes dans un contexte social spécifique. Donc ça, évidemment, c'est très bien, mais c'est extrêmement difficile à réaliser. Un fait social total, c'est plutôt, à mon avis, c'est une hypothèse. Enfin, moi, je parlais d'ensemble de population et de cohérence, si vous voulez, mais en même temps, ça risquerait de stabiliser. Donc un ensemble, il bouge aussi. L'ensemble, il bouge, il s'ensemble. Le fait social total, il bouge aussi, si vous voulez. Il y a des voisinages, il y a des circulations et tout ça, quoi. Donc c'est difficile de... On retombe, si vous voulez, sur un problème d'essentialisme, Mais quand même, quand on a des faits, comme là, je reviens au cas breton, comme le taux de suicide qu'on a aujourd'hui en Bretagne, on est à 60% au-dessus de la moyenne française, on est la région où il y a le plus fort taux de suicide, alors qu'à l'époque de Durkheim, on était la région où il y avait le moins fort taux de suicide, c'est pas simplement un fait purement psychiatrique. On voit bien que c'est un fait de société. Oui. C'est à la fois psychiatrique, peut-être ethnologique, anthropologique, sociologique, etc. Donc voilà, on a besoin d'un apport, d'un regard croisé. Quoi. C'est ça, puis il relève aussi de l'importance des institutions à l'époque. Bien sûr, le rôle de la religion. Le rôle de la religion. Il y a un article, vous connaissez l'ouvrage de Le suicide, de Durkheim. Il montre comment à la fois le protestant aura tendance à plus se suicider que le catholique, parce qu'il est moins encadré. Le catholique est encadré. S'il y a faute, il y a rémission. Qu'est-ce que le protestant peut dire? Oui, mais en sous-anthropologie, il n'existe pas le protestant, le catholique. Il y a ce que Caro a fait aussi sur le boire et tout ça qui est intéressant. Et mais qui a aussi été vivement critiqué. Mais par contre, c'est qu'il fait fonctionner, il faut aussi tourner sur l'axe diachronique qui souvent est laissé tomber. L'alcoolisme en Bretagne, il y a des phases et il y a des régions. Il y en a qui sont en avance, on en parlait. Et puis après, il y a des phénomènes de rattrapage, et puis il y a des, dates. Ils font partie de la dynamique socio-économico-politique. Les symptômes sont acculturés et dans une dynamique sociale. Alors la question que je me pose, est-ce que Freud marche chez les pigeons? Est-ce que Freud marche les pygmées? Mais justement, c'est ce que les ethnopsychiatres contestent. C'est-à-dire qu'ils disent qu'en fait, on n'est pas tous des Européens de l'Ouest et qu'il y a des catégories différentes selon les peuples. Est-ce que le complexe d'Oedipe fonctionne? Enfin non, il serait plutôt contre l'idée que le complexe d'Oedipe fonctionne aux Antilles. Et aussi le problème de l'homosexualité. pour Fanon, il n'y a pas d'homosexualité dans les Antilles. Hein. Les seuls homosexuels sont plutôt des personnes qui relèvent de la psychiatrie ou de problèmes psychologiques particuliers. Ainsi. Donc, vous voyez, donc ça a aussi interprétation. Interprétation contextualisée, à contextualiser. Hein, mais à mon sens, c'est vraiment, moi je perçois trois modalités différentes de parler avec une attention scientifique et de il y a ceux, je ne sais pas si Fanon veut le faire, mais qui vont tenter d'expliquer d'abord avec des instances sociales, socio-économiques, etc. Et d'autres qui vont nous présenter une lecture d'un relativisme culturel. Et je pense par exemple à De Vreux qui est capable d'admettre un culturalisme multiple, mais avec une thèse d'un principe de raison universel qui lui permet de faire la science partout. Ça, c'est un peu la porie de la chose, hein, c'est de la difficulté. Hein. C'est pareil, enfin, si vous voulez essayer de mettre en place un dispositif qui pourrait avoir une valeur universelle, mais enfin en même temps dans le contexte de son époque. Hein. Et comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, le contexte tel qu'il a prévalu à la fin de l'an 61, donc c'est assez rapidement, hein, ça n'a pas du tout correspondu à ce qu'il espérait, hein, ce qu'il attendait. Hein. Et ça n'a pas, donc, à un moment, c'était effectivement, ça semblait être pertinent. Quoi. Sur les remarques que tu faisais sur la démarche socio-anthropologique qui nous importe ici particulièrement, à vous, etc., mais qui remonte évidemment notamment à l'école de Durkheim et à Mauss, si elle nous importe, elle est totalement minoritaire ou minorisée. Parce que depuis 150 ans, les sciences humaines se sont découpées à l'intérieur d'une lecture statonationale, l'État aux sciences politiques, le marché à l'économie, la société civile, comme si elle était autonome, libre, de semblables égaux, etc., à la sociologie, et dans un cadre statonational. Et donc, dès que nous réintroduisons le tout, et le tout concret, comme dirait Mauss, on est hors discipline, transdisciplinaire. C'est logique, c'est révolutionnaire. Tu ne veux quand même pas que les pouvoirs en place se laissent établir bien. Les corps d'étudiants pour les deux points. On est parti pour lancer la révolution des. C'est révolutionnaire, bien sûr. Oui. Et en plus, on met du droit, on met de l'histoire, on met de la géographie dans la socio-anthropologie. Tu te rends compte? Voilà. Et on met du réel et du présent, donc du politique. Et du comparatif. Donc politique, c'est très dangereux, évidemment. Continuons. Voilà. Commençons. Bon, je vous propose qu'on lève le camp et qu'on traverse la rue pour aller. Merci beaucoup. Je disais que les dragées, c'est ma petite fille qui s'appelle Leïla. Ma petite fille qui s'appelle Leïla, qui a quelques jours, et qui est née donc qui est à Londres, qui habite à Londres, avec son papa algérien aussi.